Caramel. Ainsi donc, Jupiter aurait voulu, je cite, ne pas faire cette réforme des retraites. Mais que voulez-vous ? Il fallait faire des économies, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors, du coup, il l'a faite, cette réforme, il l'a même fait passer en force. 49.3 oblige. Ainsi donc, Bruno Le Maire, à la question sur la taxation des super profits de plusieurs grandes entreprises hexagonales pour l'année 2022, a eu cette réponse géniale, je cite, « Les super profits, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ». Et du coup, pas besoin de se poser la question, donc pas de taxation, c'est QFD. Ainsi donc, exposé à une proposition de la sénatrice communiste Eliane Assami il y a 15 jours, demandant un passage du SMIG à 1500 euros, Elisabeth Borne a eu cette réflexion définitive, je cite encore, « C'est l'assurance du tassement des progressions des salaires pour tout le monde. Les solutions miracles sont souvent des mirages et pèsent fortement sur la défiance de nos concitoyens face à la politique. » Et donc, aucune consigne, aucune directive qui pourrait relever les salaires des plus précaires. Jupiter, son gouvernement, sa majorité pas majoritaire, ses alliés de droite, nous le disent et nous le répètent depuis des lustres. Il n'y a pas d'argent, il faut faire avec, il faut faire des économies, on ne peut pas distribuer l'argent qui n'existe pas, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et puis, on apprend... cette semaine, mardi matin pour être précis, à l'écoute de la radio, que 5 perquisitions étaient en cours dans 5 établissements bancaires parisiens, BNP Paribas, Exano, une filiale de la BNP, Société Générale, Natixis et puis HSBC. Perquisitions faites à la demande du parquet national financier qui interviennent, ces perquisitions, dans le cadre de 5 enquêtes préliminaires ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, quand il y a deux fois aggravé dans la même phrase, c'est vraiment du costaud. Et puis pour d'autres fraudes, c'est des fraudes fiscales relatives au schéma de fraude dit cum-cum. Alors là, les mecs qui donnent des noms aux fraudes cum-cum, celle-là, elle est terrible. Cum-cum, entre parenthèses, une combine fiscale sur les dividendes, a précisé le parquet financier national. Ça, ils ont bien fait de préciser. On ne pouvait pas l'inventer. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, de savoir que certains patrons, certaines grosses fortunes, certains groupes industriels peuvent ainsi frauder le fisc. On parle quand même de 35 milliards. Frauder le fisc en toute quiétude avec l'aide de nos plus grandes et de nos plus importantes banques nationales. Eh bien, finalement, ça ne m'a pas étonné. La bonne nouvelle, c'est que l'on sait maintenant où est l'argent. La mauvaise, c'est que ça n'est pas encore arrivé, cette nouvelle, aux oreilles de Jupiter. Je pense que le pigeon voyageur s'impose. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 34e et dernière saison, réalisée ce soir encore par Valentin Jiquel. Ce soir, on souhaite un anniversaire, on parle musique et on évoque une exposition. Et pour cela, on reçoit une étudiante de l'ISDAT. Cette étudiante de l'ISDAT, c'est Laurent Cartier, qui expose actuellement avec quelques-uns de ses camarades à Lieu commun. Manuel Pomard nous parlera de cette exposition. À voir d'ailleurs, à voir jusqu'à quand, Manuel ? Jusqu'au 15 avril. Voilà, à voir donc jusqu'au 15 avril à Lieu commun. Et puis, nous essaierons de comprendre pourquoi l'ISDAT traverse un moment difficile, un moment de crise en ce moment. William Guyard est également dans notre studio campusien pour nous parler des 5 ans du collectif 3e Flasse, anniversaire qui a commencé à se fêter hier soir à l'Astronef avec une création collective autour de la figure de Claude Nougaro et qui continuera à se célébrer cet anniversaire dans plusieurs endroits à Toulouse pendant le mois d'avril. Et puis, cerise sur le gâteau, Jean-Pierre Lérac et notre bon professeur Thibault nous rejoindront dans le courant de cette émission. Le premier, la caution morale et artistique de ce programme pour nous parler de jazz bizarre. Le deuxième, pour une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutraque, érudite et donc essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Trio parisien de garage pop Dalton s'apprête à sortir mi-mai son deuxième album Soleil Orange. Et pour annoncer ce petit événement, tant ce combo a su trouver une formule plutôt magique avec sa pop rageuse et arty, chantée en français, qui évoque aussi bien le détail qui cloche que la sociologie de la loose ou les virées en bagnole. Dalton, donc, vient de faire paraître un premier single racontant la recherche désespérée d'une connexion Internet en centre-ville. La vie moderne est décidément sans pitié. Dalton, connexion, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Oui, toujours à l'écoute de Campus FM, c'est Caramel Mou. Et on commence avec nos deux premiers invités du soir. Vous avez compris, on va faire vite, mais il y a plein de monde ce soir. Manuel Pomard, bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Cartier, bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, vous êtes concernés par un événement qui se passe à Lieu Commun, le centre d'art bien connu à Toulouse qui se trouve du côté de Bonnefoy. Je vois que déjà vous froncez les sourcils, Manuel Pomard. Centre d'art, ça vous va pas? Oui, ça me... non, ça va pas. Mais j'ai bien compris. C'est pour ça que je le dis, parce que je n'arrive jamais à dire René Artist Space. Des artistes qui courent dans l'espace. Voilà. Et ça, j'y arrive pas. Je suis désolé. Alors, c'est un lieu d'artistes pour les artistes en direction des publics. Et qui sont souvent en jogging, puisqu'ils courent. Et avec souvent un scaphandre sur la tête, puisqu'ils sont dans l'espace. Lieu commun qui accueille jusqu'au 15 avril, le vernissage était jeudi dernier, et qui accueille jusqu'au 15 avril une exposition d'étudiants de l'ISDAT, dont l'ISDAT, on en parlera dans un deuxième temps. Mais déjà, racontez-nous un peu cette rencontre avec l'ISDAT et les étudiants du cycle de dernière année. Quatrième et cinquième année, donc c'est ce qu'on appelle des Master 2, ouais. Parce que l'ISDAT et toutes les autres écoles d'art en France se sont alignées sur les accords européens de Bologne qui font que les diplômes d'écoles d'art sont équivalents aux diplômes d'université. Est-ce une bonne évolution ? La question est encore en suspens. Et nous essaierons de l'évoquer dans la deuxième partie de cette chronique. Non, la rencontre, en fait, moi, entre l'ISDAT et Lieu commun, la rencontre s'est faite tout de suite. Moi, je suis issu des Beaux-Arts de Toulouse, parce qu'à l'époque, il s'appelait les Beaux-Arts, l'École des Beaux-Arts de Toulouse, et non pas l'Institut des Arts de Toulouse. Supérieur. Oui. Et de design. Oui. Et de design. Ne rigolons décidément. Pas. Décidément. Non, là, c'est surtout un artiste enseignant qui s'appelle Serge Provost, qui est artiste performeur sous le nom, avec sa compagne Isabelle Fourcade, du Georges Tremblay Show, avec qui Lieu commun a travaillé à moult reprises et continuera à travailler. Et une artiste enseignante que je ne connaissais pas, Éléonore Fals, qui travaille ensemble avec les étudiants autour des notions de volume et d'espace. Donc, qui dit volume et espace, dit création, fabrication d'objets, de formes à mettre en espace, donc dans un lieu. Pourquoi pas faire ça dans un lieu d'exposition ? Oui, ce qui, après tout, semble une bonne idée pour des étudiants dans une école d'art. Oui, c'est une bonne idée, mais en fait, ce n'est pas si naturel et si évident que ça. Voilà, que les étudiants sortent de l'école. L'école est un cocon confortable. Je conseillerais aux étudiants de redoubler en permanence parce que l'extérieur est beaucoup plus sauvage que l'intérieur. Et agressif, oui. Voilà. Oui, donc alors, à plusieurs reprises, Lieu commun a déjà fait des expositions de diplômés, mais là, l'intérêt, justement, c'était de travailler avec les étudiants en amont, de les inviter à Lieu commun, de leur présenter la structure, de leur présenter les quatre personnes qui animent, qui font vivre, qui incarnent la structure, et de construire ensemble leur projet, de savoir comment leur travail plastique allait prendre place dans l'espace. Et ça a été... concluant dans le sens où de nombreuses propositions ont été faites spécialement pour le lieu. Et j'ai vu, on est intervenu à plusieurs reprises dans l'école, les étudiants sont venus à plusieurs reprises à Lieu commun, et avoir ce lien, ces allers-retours permanents, ça a permis de faire éclore de nouvelles démarches, de nouvelles formes qui vraiment se sont adaptées au lieu. Laurent Cartier, lorsque votre prof vous parle de cette possibilité d'une exposition à Lieu commun, comment le groupe réagit ? On réagit très bien, c'est l'occasion d'avoir de la visibilité, aussi de pouvoir sortir notre travail de l'école. On a de nombreuses salles au sein de l'école qui permettent de faire des accrochages, de faire des essais, mais là le fait de travailler avec des professionnels, de pouvoir vraiment avoir un côté presque immersif avec un suivi qui s'est déroulé sur plusieurs mois, on a pu rencontrer un régisseur, on a pu organiser une programmation, On a travaillé sur des affiches, la communication. Enfin, il y a énormément d'étapes qui sont importantes parce que ça nous prépare aussi à l'après. Mmh. Surtout que moi, je suis en dernière année, mais du coup, on est dans le second cycle. Après, c'est fini. Du coup, l'école, on la quitte et on est lâché un peu dans le grand bain. Donc, vous l'avez compris, le conseil de Manuel, c'est de redoubler. Je ne suis pas de bon conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Après, c'est vrai que l'école essaie de plus en plus de nous préparer à la sortie d'école, avec justement des occasions comme cela de pouvoir exposer, rencontrer des gens du milieu. Donc ça, c'était vraiment intéressant. On a vraiment fait plusieurs rencontres. Comme disait Manuel, on a pu créer des pièces. Moi, j'ai créé une pièce particulièrement pour cette exposition. Et on était aussi avec la difficulté de beaucoup de gens qui sont inscrits dans ce cours. On s'est retrouvé à 22 étudiants, ce qui est beaucoup, surtout qu'il y avait la question du volume. Il y avait certaines pièces qui devaient être pensées pour être au mur, d'autres avec des installations. Énormément de gens. Au final, on arrive avec un titre de l'expo qui est 23, qui est du coup vraiment une référence au nombre de participants. Donc il y a 22 étudiants et une intelligence artificielle qui vient se rajouter à ça, parce qu'il y a un collectif qui a travaillé du coup avec une intelligence artificielle. C'est déjà demain. me dites pas que vous avez travaillé sur des images, Non, c'est le texte. C'est le texte. C'est du ChatGPT. Oh, c'est formidable. On essaie de se mettre à la page, d'avancer avec l'évolution. Mais déjà ça, et puis la plupart des pièces n'étaient pas faites en amont, donc on est vraiment parti avec des croquis. Fallait beaucoup d'imagination de la part de Manuel, parce que on arrivait avec des projets des fois un peu trop ambitieux, mais il fallait prendre en compte aussi le lieu, la répartition. Le temps, être pragmatique parfois. Il y avait des projets qui étaient peut-être trop ambitieux. Et c'était vraiment ça, pouvoir s'organiser sur le temps, voir petit à petit des exemples, des maquettes, après des débuts de pièces. Et tout s'est enchaîné très vite, mais au final, tout a pu bien se réaliser. On a pu trouver une place à chacun, et l'expo fonctionne assez bien. Moi, c'est l'exercice que j'aime. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la mise en espace, l'accrochage. Pour moi, je l'envisage toujours comme un organisme vivant, parce qu'effectivement, un travail, une œuvre, une pièce, on l'appelle comme on veut, dans sa tête ou sur le papier, c'est une chose, mais dans le réel, sur le sol, sur les murs... Elle prend vraiment sa place, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle n'a pas la place dans l'espace. Et comme le dit Laurent, ils sont 23. Mmh. Et 23, il faut émettre une sonorité commune. Alors, on a le droit d'avoir une sonorité dissonante. Et là, je pense que, de toute façon, c'est dissonant dans le sens où ce qui les réunit, c'est l'espace. Ce n'est pas une thématique. Donc, évidemment... on va passer de une pièce tressée en tissu à une installation vidéo avec un filet de camouflage, à une mare de vin avec une mer de vinaigre qui se développe et qui embaume tout l'espace, avec un laboratoire, avec une créature étrange couverte d'une couverture de survie... Voilà, c'est tout ce que j'aime. Diversité, contre-pied, contre-temps. Parce que sur ce style d'expo, il n'y a pas de ligne éditoriale. Non, la ligne éditoriale, c'est travailler ensemble, se confronter à ce qu'est l'exposition, à ce qu'est le rapport au public aussi, parce qu'ils ont travaillé avec Estelle, notre responsable du public, à... Oui, mais ne serait-ce que titrer son travail, donner une note d'intention. Le soir du vernissage, au lieu de faire la fête, même si on en a envie, on reste à côté de son travail parce qu'il y a du public, on va lui présenter son travail. Et c'est ce qui s'est passé et c'était vraiment génial. Et justement, moi, c'était ma question, Laurent. C'est Cartier, comment s'est passé un peu ce rapport avec le public qui est, donc, vous avez vu jeudi dernier lors du vernissage. Comment s'est passée cette rencontre avec le public venu voir vos œuvres, et la vôtre en particulier ? Alors, très bien. C'est vrai qu'on a eu des petites complications explications au début parce qu'on a eu une première visite qui s'est passée dans la pénombre parce qu'il y a eu des coupures de courant dans une bonne partie de Toulouse. Eh ben oui. C'est vrai que c'était assez particulier. Arrêt lutte. Et voilà, on était dans le thème d'actualité. C'est vrai que c'était la manif de jeudi dernier. Et encore, c'est pas le pire. Pensez à ceux qui étaient bloqués dans le tunnel du métro au niveau de la montée de Marengo. J'y pensais en venant ici. Mais par la suite, on a eu la chance juste avant que le vernissage officiel se commence, le courant est revenu et on a énormément de gens qui revenaient justement de la manif. Donc il y avait aussi tout cet engouement. Moi j'ai découvert beaucoup de vidéos du coup de gens qui m'ont montré un peu comment ça s'était passé. Comment ça avait dégénéré. Donc c'est vrai que c'était assez fort comme moment. Oui, vraiment je crois que ça a participé à l'instant, c'est-à-dire déjà la coupure, on avait une visite professionnelle avec des responsables d'autres structures qui étaient là. Donc on a fait une visite à la lampe torche. Donc ça, c'est un concept aussi. Non, mais c'était très un Lasco 2023 quoi. Et ensuite quand le public est arrivé, une bonne partie de notre public revenait de la manifestation, donc embaumé la lacrymo, oui. Et lieu commun était devenu une des safe places, et ça faisait du bien d'accueillir ces personnes. Certains étaient émus, énervés, parce que voilà, on réagit tous de façon très différente à ça. Donc il y avait cette espèce de cocktail alchimie entre nous qui n'avions pas pu aller manifester pour maintenir cet événement, et je pense qu'on a eu on devait le maintenir, nous en tout cas, les personnes qui travaillons à lieu commun, par respect pour le travail qu'on avait mené avec les étudiants, c'était pas le moment de le couper, et pour autant ça nous coupait pas de ce moment de lutte. Donc voilà, donc ça c'est pour l'exposition visible jusqu'au 15 avril à lieu commun, donc l'exposition de 23 étudiants de l'ISDAT dans ce haut lieu de l'exposition de la culture plasticienne à Toulouse, dont lieu commun jusqu'au 15 avril. Et puis on va profiter aussi de votre présence, Laurent Cartier, pour revenir un peu sur cette crise que traverse l'ISDAT. Date depuis 3-4 mois, il y a un mouvement de grève qui a commencé fin janvier, début février. Certaines photos de vos manifestations et de vos façons d'intervenir au sein de l'école pour dire que vous étiez bien content. On a pu voir ces photos-là dans Libération à l'occasion de la publication d'une tribune d'un ensemble d'écoles d'art françaises pour alerter le gouvernement comme s'il n'était pas capable de le savoir lui-même, mais il ne veut pas le savoir, de ces écoles d'art qui apparemment traversent une crise, et notamment à l'ISDAT. On va rappeler 2-3 choses. Il y a une réforme qui a eu lieu il y a 6-7 ans, qui a inventé, peut-être un peu plus à l'air de me dire Manuel Pomar, qui a inventé deux styles d'écoles d'art en France, les nationales, les territoriales. Pour faire vite, les nationales sont entièrement payées, financées par le ministère de la Culture. Les territoriales, 32% par l'État, et le reste par les collectivités territoriales. Oui. Souvent les municipalités. Voilà, et quelquefois la région et le département. Marginalement. Avec des choses qui sont assez incompréhensibles. Les étudiants boursiers ne paient pas de droits d'inscription dans les nationales, le paient dans les territoriales. Les professeurs n'ont pas le même statut, qu'ils soient en territorial ou en national. Bien entendu, les uns sont payés nettement moins que les autres, vous l'avez bien compris. Il faut faire des économies partout. Par contre, on y prépare les mêmes diplômes, les mêmes formations, et ça permet d'aller vers les mêmes styles de débouchés. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Laurent Cartier? Vous qui y êtes, et qui y êtes depuis un petit moment, dont la situation, vous avez dû la voir se détériorer au fur et à mesure, non ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis novembre 2022, il y a eu des alertes au niveau du budget de l'école. On s'est très vite rendu compte que les budgets annoncés n'étaient pas suffisants, surtout avec l'augmentation du coût que ce soit au niveau de l'électricité. Enfin, tous les frais ont commencé à augmenter, et le budget, lui, ne suivait pas du tout. Et il faut savoir que l'école dépend justement de plusieurs financements. et ces financements n'étaient pas du coup prêts à suivre du coup les augmentations. Donc on s'est retrouvé avec un budget qui devenait de plus en plus flou. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer sur le long terme. Là, à la mi-avril, le budget de l'année prochaine doit être du coup fixé. Mais ça reste impossible de savoir comment on va faire pour valider toutes les demandes. Rien qu'actuellement, moi je vois, il y a énormément de frais qui ne sont pas possibles. Au niveau des ateliers, il faut savoir qu'on a la chance à l'école de Toulouse d'avoir beaucoup d'éléments qui sont gratuits, mis à la disposition des élèves. C'est même ce qui fait un atout majeur de cette école. On a de nombreux ateliers, on a des ateliers de gravure, de photo, de modelage, enfin énormément de choses qu'on ne peut vraiment pas, en dehors de l'école, pouvoir pratiquer. Essayer, pouvoir pratiquer dans des bonnes conditions. Et dans toute la formation pédagogique, du coup, repose sur l'utilisation de ces ateliers de manière vraiment optimale. Et aujourd'hui, on a par exemple le cas de commandes pour certains ateliers qui sont refusés parce qu'il n'y a pas les financements. Mmh. L'école, du coup, ne peut pas payer. Donc, on ne sait même pas comment va se finir l'année. Je vois l'exemple hier, j'ai parlé avec la personne qui gère l'atelier peinture. Ben voilà, la commande a été refusée. Donc, pour la fin de l'année, pour les gens qui passent le diplôme, on ne sait pas trop comment on va s'organiser. Pour les autres, c'est encore plus compliqué. Moi, je suis en dernière année, je vais du coup sortir de l'école, mais je vois beaucoup de mes camarades qui, eux, y sont encore pour plusieurs années, qui se demandent comment ça va se passer. On a aussi un changement de direction. Le directeur actuel, du coup, ne va pas prolonger son mandat. Donc on ne sait pas qui va le remplacer. Donc il y a un peu, on est vraiment dans un flou total. Au niveau du statut, l'ISDA de Toulouse, c'est quoi? C'est une territoriale, c'est une nationale? J'ai cru comprendre qu'elle piquait dans les deux. Non? Non. Non, on n'est pas une école nationale. Voilà. Donc on n'en bénéficie pas du coup. Donc de vous cette êtes même, une territoriale. Voilà, on a vraiment une forme de précarité par rapport à ça, par rapport au financement. On est dépendant de beaucoup de financement par tutelle. Et du coup, on est un peu obligé d'aller le quémander un peu partout. Le problème, c'est que les propositions que nous font les collectivités à chaque fois, ou même la municipalité, ne sont pas suffisantes. Là encore, ils ont fait une enveloppe pour de nombreuses écoles. Au final, l'enveloppe, si on la divise par le nombre d'écoles, on ne voit pas du tout qu'est-ce que ça va changer. C'est vraiment c'est dérisoire. C'est une enveloppe du ministère de la Culture de 2 millions d'euros pour pratiquement 40 écoles, sachant que, par exemple, l'ISDAT manque en gros 250 000 euros. Donc, on fait vite le calcul, ce n'est pas suffisant. Oui. Ouais. Donc, même au niveau des postes de certaines personnes du personnel ou même des professeurs, il y a quand même cette espèce de précarité où on ne sait pas comment ça va se faire, est-ce que l'école va pouvoir vraiment payer tout le monde. Donc on avance comme ça dans ce flou constant et en même temps on doit préparer des échéances, préparer des diplômes, préparer notre avenir. Mmh. Donc c'est vraiment la formation qui se retrouve impactée. Et ce qui est en train de se dessiner au niveau du monde de la culture, parce qu'on voit énormément aussi de centres d'art qui sont en train de fermer, enfin on sent que le gouvernement n'est pas prêt à investir dans l'art. Et ce qui se passe, c'est que ça pousse de plus en plus les futurs étudiants à se tourner vers des écoles privées qui vont les endetter. Enfin, pour avoir un accès à une formation de qualité, on a l'impression que le public devient de plus en plus difficile d'accès. Ah ouais. Il y aura beaucoup plus de concurrence aussi pour les écoles justement qui, elles, bénéficieront de ce statut de stabilité financière comparé aux autres écoles qui, elles, vont essayer de se battre. Ça parle peut-être d'augmenter aussi les frais d'inscription. Enfin, il y a beaucoup de propositions comme ça qui commencent à faire un peu peur parce qu'on ne sait pas du coup comment ça va évoluer. Déjà que le statut d'étudiant est compliqué pour beaucoup. Donc si en plus au niveau de la formation c'est pas satisfaisant pour nous et qu'en définitive quand on sort de l'école on arrive dans un monde de l'art et de la culture qui est en perdition, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses qui ne sont pas très rassurantes sur la situation. Et ça fait beaucoup, ouais, beaucoup de choses pour comprendre que la fin des études qui vous concerne est un peu compliquée à préparer. On avait invité le directeur de l'ISDAT à venir ce soir aussi pour parler. Dans un premier temps, il avait accepté pour me dire finalement un peu plus tard non. On est en négociation avec le ministère. Donc, c'est peut-être pas le moment, donc on le réinvitera. Je crois qu'il s'est mis en arrêt de travail très récemment. C'était peut-être aussi ça. Peut-être pour ça. Les écoles d'art, vues de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est un milieu très privilégié d'expérience. Et je travaille avec l'école depuis une vingtaine d'années. c'est les étudiants viennent de tout milieu. Et ce serait bien de maintenir le public, cet état, oui. Un secteur public, voilà. Pour les écoles d'art. Bon, en tout cas, on essaiera d'en parler d'ici la fin de l'année scolaire, voir un peu comment l'ISDAT va repartir pour la rentrée prochaine. Merci Laurent Cartier d'être venu nous en parler, en tout cas. Et puis, donc, je rappelle l'actualité de l'ISDAT, et ça, c'est l'actualité heureuse de l'ISDAT jusqu'au 15 avril, c'est cette exposition que font 23 étudiants de cette école d'art toulousaine, l'ISDAT, anciennement les Beaux-Arts, l'École des Beaux-Arts, à lieu commun, donc exposition que l'on peut voir jusqu'au 15 avril. Merci à vous deux. Merci. Et si je peux juste rajouter, le 8 avril, il y a deux performances qui seront du coup samedi à 15h. Le samedi à 15h. Donc, deux performances. C'est l'occasion du coup d'aller voir et du coup de profiter de ces deux éléments qui sont activables qu'à ce moment-là. D'accord. Donc, si jamais. Et puis, le lieu commun, c'est un super lieu. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi. Oui. Ce qu'il propose. Là, vous parlez à des convaincus. voilà, donc l'ISDAT est en exposition à lieu commun jusqu'au 15 avril. L'ISDAT est en crise actuelle, mais on va espérer que ça s'arrange d'ici la fin juin. En tout cas, on essaiera de vous en reparler d'ici la fin de la saison. Sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Ouais, ouais, ouais, Daphne, I love you et moi, I love you, professeur Thibault, bonsoir. Oh, ben non, écoutez. Je vous en prie. Et alors, votre cri de guerre qui suit après ça, c'est quoi ? Bonsoir, Little Fée de la FM. Ah, merci, ça me fait plaisir. En franglais, ce coup-ci, vous avez vu. Il va bien, il va bien. Hola, qu'est-ce bien, bien. Oui, bien. Et vous, il y a Ciné... La película de la science-fiction. Et il y a Ciné... El perro está loco. Et il y a Ciné Latino à la Cinémathèque en ce moment. Mucho bon, Latino. Avant de vous laisser la parole en français, parce que sinon, je ferai une traduction simultanée. simultanée. Mais on est raccord. On vient d'écouter Édredon Sensible. Oui. Sorti du nouvel album Édredon Sensible, oui, qui finit cette semaine, là, ce week-end, la grande tournée qui les a menés en Amérique du Sud, Costa Rica, Colombie, El Salvador. Et au vu des images qui traînent depuis un petit moment sur le net, apparemment la tournée s'est très très très bien passée. Donc voilà, ça c'est pour Édredon Sensible qui joue dans pas très longtemps deux soirs au Taquin. On vous en reparlera. Et puis dernier détail pour le sujet que l'on a traité juste avant, Lise Date, on a oublié de le dire, si Lisdat était en grève depuis début janvier, l'école continue à être occupée à l'heure où nous parlons et donc l'école est toujours en grève. Voilà, ceci étant dit, professeur Thibault, reprenez le français, mais vous allez nous parler d'un film d'onde d'Amérique du Sud, c'est ça ? Bonsoir, petite fée de l'AFM, absolument pas. Ah bon, très bien. Absolument pas. C'est dommage. Ben pourquoi ? Parce qu'il y a, par exemple... Il fallait coller à l'actualité, c'est ça. Vous aimez l'actualité. Il y a un Chili 76 en ce moment dont on m'a dit beaucoup de bien. C'est un film sur cuisine enfin, ouais. Non. Chili, non. Ah, c'est pas un Chili con carne, non. Non. Non, écoutez, j'en suis désolé, mais si j'avais su... Ah ben oui. Si j'avais su, j'aurais pu vous parler de El Vampiro Negro, mais je vais pas le faire là. Ah, le Vampiro Noir, ça m'aurait bien plu. Oui, oui bon, non, mais enfin, c'est pas... Parce que c'est un... c'est une autre version de M le Maudit, qu'on connaît pas beaucoup. Il y a trois versions de M le Maudit, enfin même quatre. Ah ben ouais. Enfin même cinq, parce qu'il y en a une de Chabrol mais qui dure 15 minutes. Oui. Non, c'est vrai, en court-métrage, il a fait ça, pour la télévision française. Ça, il faut que ça soit au point pour la prochaine chronique. On pourra éventuellement, pourquoi pas, faire un petit truc sur M le Maudit, toutes les versions de M le Maudit. Ben parfait. Hein, voilà, de la meilleure à la plus terrible. Bon, voilà. En attendant, je vais vous parler de Culture Camp. Ah ben alors là... Ah, ça vous laisse, ça ah vous ouais, laisse quoi ? Sans voix. Ça vous laisse sans voix. Ah ouais. Vous connaissez, vous, le camp ? Vous êtes quelqu'un d'éduqué. Ça n'a rien à voir avec le camping, hein. Je précise de suite. Non ? Oui ? Non. Si ? Non, vous ne connaissez pas du tout. Culture Camp, mais pourtant, vous êtes le fils du soleil, un enfant des années 60, vous devriez connaître... Vous voulez parler du naturisme ? Non, mais de suite. Non, je suis désolé. Bon, j'ai beau être un enfant des années 60. On va reprendre tout à zéro. Donc, qu'est-ce que c'est que le camp ? Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vous demande. Je vais prêcher pour la Cinémathèque de Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est que le camp ? Alors, le camp, ça a été théorisé, entre guillemets, par une jeune femme à l'époque, une essayiste qui s'appelait Susan Sontag. Elle a sorti un bouquin qui s'appelle Notes on Camp. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors, ça n'a pas été véritablement théorisé parce que ce n'est pas véritablement un mouvement. Le camp, qu'est-ce que c'est ? Comment je pourrais vous présenter ça ? Si je vous dis The Rocky Picture Horror Show. Ah ben oui ! Là, là, je vois vos petites mirettes qui s'éclairent. Je me vois encore déguisé dans le petit cinéma de quartier de ma Normandie où j'ai vécu pendant 3-4 ans, en train de faire le fou pendant que défilaient les images sur scène. Eh bien, Joka, vous êtes camp. Ah, vous me rassurez. Si ça peut vous rassurer. Ça me rassure complètement. Vous êtes camp. Je voilà. croyais que j'avais raté un truc. Alors, on s'est amusé à construire cette programmation qui est pas mal d'ailleurs, parce qu'il y a quand même plus d'une vingtaine de films là-dedans. Alors j'espère que les gens vont tirer d'eux-mêmes les liens entre les films. Et comme je viens de vous le dire, The Rocky Picture Horror Show, qui est un peu, quelque part, l'emblème de cette programmation. Alors pourquoi ? Parce que, quelque part, ça représente le camp. Pourquoi ? Parce que le camp fait appel à un sens, et bien évidemment, de la dérision. Un goût du grotesque, mais dans le sens non péjoratif du terme. Il faut une bonne louche de culture gay là-dessus, et puis il faut la fascination pour le cinéma hollywoodien. Voilà, la fascination pour le cinéma hollywoodien, flamboyant, grandiose, celui des années 30-40, et qu'on essaye comme ça de reconstruire avec 50 centimes d'euros pour budget, et c'est fait de briques et de broc, et on obtient finalement un cinéma ultra dynamique, très pauvre, bien évidemment, et qui s'amuse avec toute cette culture. Alors, à programmer, c'est super intéressant, parce que si vous dites un mouvement, le néo-réalisme, c'est un mouvement, ça commence à telle date, ça finit à telle date, vous pouvez faire un peu le branleur avec des éléments capillotractés jusque dans les années 60 si ça vous amuse, mais voilà, là vous avez un mouvement. Le camp, c'est pas un mouvement en fait, le camp, c'est un regard, c'est ça qui est intéressant. Et le camp, c'est l'appropriation d'objets culturels, c'est du détournement d'objets culturels. Il y a par exemple un truc qui est très amusant, on a mis le film d'ailleurs, enfin moi j'en suis très fier, c'est Le Magicien d'Oz, qui est mon film préféré, mais en fait avec le camp, ça se relie à l'aune de toutes les allusions sexuelles, en fait, qui parsèment le film. Et il y en a plein. et je vous l'assure, hein, je connais très très bien le film. Allez, deux, trois. Il y en a plein. Non, mais avec les nains, rien que les nains, oh, par exemple. Non, et quelques répliques. Puis il y a quelques trucs, voilà. Enfin, il y a quelques trucs en fait dans le film qui sont complètement évidents. Il y a aussi, par exemple, qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich, ça de 62. Alors bien avant qu'on théorise sur le camp, mais on s'est réapproprié cet objet finalement aux États-Unis. Les gens connaissent les répliques par cœur. Ça fait, ils s'amusent en fait avec le film. Alors ils s'amusent pas contre le film. Hein. Vous savez qu'il y a rire contre et rire avec. En fait, on rit avec. Mais il y a là aussi cette fascination. Robert Aldrich a cette fascination pour le Hollywood pour lequel il a travaillé. Il a mis en scène le film. C'est avec Bette Davis et John Crawford qui sont en toute fin de carrière, qui sont complètement décatis, défraîchis. C'est de la star défraîchie qu'on a là. Et surmaquillé. Et ça surjoue complètement. C'est un film qui a été descendu à l'époque de sa sortie et qui maintenant a sa petite réputation de film culte. Donc, si je vous dis John Waters. Ah oui. John Waters est complètement camp. Voilà. On va passer de John Waters, Polyester, qui est un odorama, voilà, qui malheureusement ne sera pas projeté. Je vais essayer d'amener mes cartes à un odorama pour la projection. J'en ai encore quelques-unes, ou encore Hairspray. Donc, les deux films sont avec sa muse, Divine, qui était un travesti de 150 kilos, voilà, complètement imposant, mais qui, quelque part, était. Bah, John Waters était sa Elizabeth Taylor. C'est juste une extension, en fait, de Elizabeth Taylor. On va passer aussi des films avec Mae West. Vous connaissez Mae West, oui, qui était une sculpturale blonde star de cinéma des années 30 et 40, et qui était d'une vulgarité sans nom. Elle écrivait elle-même ses dialogues. Alors là, tout était dirigé vers le sexe, il faut le dire. Et en fait, elle farcissait tellement ses dialogues d'allusions que les censeurs, ils étaient complètement effrayés quand ils lisaient ça. Et puis, si vous regardez les photos de Mae West, vous allez comprendre, hein, c'est absolument incroyable. Et ils avaient beau censurer, il restait toujours quelque chose. Ça c'était une excellente technique. On a aussi prévu des courts-métrages et des petits cours. Qu'est-ce que c'est que alors ça, je sais que ça va intéresser Manuel Pomar ici présent. On a fait un petit medley en fait de Jack Smith avec Flaming Creatures, le fameux Scorpio Rising de Kenneth Anger et le Hold Me While I'm Naked des frères Cuchard, voilà, qu'on a fait venir des États-Unis pour l'occasion. Les frères Cuchard ou le film ? Non, bah les frères Cuchard, non. Les frères Cuchard, ils sont pas très frais, hein, croyez-moi. Hein. Mais enfin voilà. Et alors ça date du début des années 60. Et là aussi, encore une fois, on retrouve cette fascination pour le Hollywood, pour ces morceaux de musique des années 50 et 60. Je sais pas, je pourrais citer Blue Velvet, par exemple, qu'on entend d'ailleurs à la fin du David Lynch, le film. Le morceau Blue Velvet qu'on retrouve à l'intérieur du génial Scorpio Rising, où c'est du, comment dire, des hommes. Du cuir et des moteurs, voilà, et tout ça avec de très très belles couleurs. Et mais il se dégage comme ça une espèce de petit parfum de nostalgie, parce que le camp n'est pas que joyeux, il est aussi un peu triste, quelque part, il est aussi un petit peu mélancolique. C'est exactement ça, voilà. Il y aura aussi quoi, alors il y aura aussi La Vallée des Poupées, qui est un mélodrame absolument ridicule des années 60. Ah ouais, complètement. Alors attention, ne confondez pas avec le Russ Meyer, hein, qui non, s'appelle non, La Vallée non, des non, Plaisirs. Non, non, non, je parle de La Vallée des Poupées. La Vallée des Poupées de Mark Robson, que vous trouvez admirable, mais qui quelque part est un mélodrame ridicule. Voilà, c'est un mélodrame ridicule. C'est quand Hollywood essayait de plaire aux jeunes. Ouais. Hollywood était encore dirigé par de vieilles personnes qui ne comprenaient absolument rien à ce qui se passait dans le monde. On est à la fin des années 60 et ces vieux messieurs se disent, on va essayer de plaire aux jeunes. Hein. Alors là, ça va débourrer les gars et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de drogue et tout. On va faire un mélodrame, ça va être super. Vous un allez peu voir. De cul. Voilà, un peu de sexe et tout. Vous allez voir, ils vont être contents et tout. Non, c'est absolument ridicule. Mais reste que c'est absolument magnifique aussi. En fait, c'est tellement ridicule que ça en devient complètement magnifique. Ah oui, et puis c'est un objet sociologique 50 ans plus tard. Et c'est exactement ça. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant dans le camp, c'est le regard du spectateur qui va quasiment tout faire. Et ça, c'est vachement bien. Mmh. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, il y a énormément d'humour, énormément de dérision, énormément de second degré, énormément de comment dire, oui, ce goût du grotesque. Et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Voilà, donc voilà ça, alors j'espère que ça fera une respiration avec toutes les merdes qui se passent à l'heure actuelle. Oui, et après, on aura du mal à respirer pendant les manifs. Un cycle qui commence début avril ? Oui, c'est du 4, on vous l'a collé, du 4 avril au 17 mai. Donc ça va, vous avez le temps. Formidable. Hein, voilà, il y aura aussi qu'est-ce que je pourrais vous dire, il y a La Mort vous voici bien aussi, ouais. Voilà, enfin qu'est-ce que je pourrais vous citer, non allez je vais pas monopoliser l'antenne, j'arrête. Et donc ce cycle, donc pendant le mois d'avril, pendant le mois de mai, toute la programmation sur le site de la Cinémathèque de Toulouse, www.cinémathèquedetoulouse.com. Radio-Canada.fr. Mais moi je dis quel talent. Ben ouais. Ça c'est quel talent. Ben ouais. Ça c'est de la radio. Allez, musique. Pierre de Bettman, qui est un des invités des fêtes d'anniversaire de Troisième Face. Cet anniversaire qui va nous occuper pendant le quart d'heure qui vient. William Guyard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici parce que vous êtes un des membres réguliers de Troisième Face. Vous allez d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est Troisième Face, et après on parlera un peu des festivités. On en reviendra à parler de Pierre de Bettman, qui est donc un de vos invités de ces festivités. Mais d'abord, Troisième Face, qu'est-ce que c'est? En sachant qu'on avait invité ce collectif débutant il y a 5 ans dans cette émission, et je me souviens l'interview, ils se demandaient combien de temps ils allaient durer. 5 ans plus tard, vous êtes là, c'est assez formidable. Donc Troisième Face, c'est quoi? Alors c'est un collectif d'artistes, ce qu'on appelle un collectif d'artistes. Donc en fait c'est juste des artistes musiciens issus de, on va dire, de styles différents et d'esthétiques différentes, qui se sont regroupés sur une structure autour de gens pour mutualiser donc des ressources, d'abord en premier lieu, donc des ressources techniques, pratico-pratiques, etc. Mais aussi et surtout échanger sur l'artistique. Donc en interne, au sein même des membres du collectif, il y a plusieurs formats d'échange. Donc nous, on aime bien organiser ce qu'on appelle des créas. Donc c'est des programmes qu'on monte spontanément pour une date en question, où on fait travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et avec des esthétiques musicales complètement différentes. Ouais, ça, on essaye de ne pas avoir trop de limites. On essaye de ne pas s'imposer des registres, parce que c'est un peu le réflexe qu'on a tous dans la vie de tous les jours de musiciens actuellement, parce que c'est plus facile du coup de diffuser, de vendre sa musique, d'aller jouer à droite à gauche si on est plus facilement étiqueté. Et nous, on trouve que ce constat, c'est super triste. Donc voilà, le collectif, on l'a quand même un peu monté en réponse à plein de petites problématiques qui nous entouraient, notamment la concurrence. parce que le schéma actuel pour les musiciens, même à l'échelle locale, c'est quand même de tout le temps proposer de la nouveauté. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on arrive à se faire diffuser. Ou alors sinon, on est déjà vieux. Mais bon, l'entre-deux, il n'existe pas, quoi. Et donc, que font les musiciens? C'est que tout le monde monte des quantités de projets voilà, assez colossales. Tout le monde en a 10, 12. Déjà, ce mot-là, projet, ouais. c'est une invention d'il y a 10, 15 ans. Ouais. Ça n'existait pas jusqu'à le début des années 2010. On ne parlait pas de projet. Ouais. On parlait de répertoire, on parlait de disques, parlait de groupe, ouais. Mais on ne parlait pas de projet. Ah, c'est des projets, ouais. Et tout le monde en a entre 10 et 15. Enfin, tous les intermittents qui ne sont que concertistes en ont en moyenne entre 10 et 15. Et le problème que ça fait, c'est que du coup, il y a énormément de concurrence et puis ça crée des micro-cercles où, du coup, si tu joues dans ce projet-là, tu ne peux pas jouer dans celui-là, etc., etc. Et en fait, à la fin, on finit par plus croiser. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà plus beaucoup de musiciens, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre. Et ils n'arrivent plus à travailler ensemble, entre guillemets, parce qu'ils ont des projets séparés. Et donc, on se croise juste sur les scènes, première partie, deuxième partie, éventuellement, ou pas d'ailleurs. Et voilà, nous, on a essayé de casser un peu cette logique en faisant en sorte que y a de la demande au niveau du public et des salles. Et nous, on fait en sorte que les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble se croisent pour qu'ils échangent. Et on essaye aussi de faire que ça échange avec des gens qui ne sont pas du collectif. Parce que donc, un des principes fondamental du truc, c'est que c'est ouvert à tous. Voilà, parce que souvent, dans ce genre d'entreprise, que ce soit des labels ou des collectifs comme ça, on a à faire une sélection, on a un roster, c'est fermé, il faut faire une demande d'adhésion, il y a une audition, il y a... voilà. Et bon voilà, nous on a décidé aussi encore une fois de prendre le contre-pied et d'inviter tout le monde à rejoindre le collectif. Ça veut dire que quelqu'un me frappe à la porte, bonjour, je veux rentrer dans la troisième phase, très bien, la prochaine réunion c'est dans deux jours. C'est ça, alors la démarche, c'est hyper simple, on a quand même un tout petit processus parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais il suffit d'envoyer un mail, de se présenter, de dire qu'on a envie de faire partie du collectif et de payer son adhésion à l'association qui est de 10 euros, ce qui n'est pas énorme. Et voilà, c'est fait. Tu fais partie du collectif. Donc, vous parliez d'un collectif. On comprend bien le côté mutualisation. Mutualisation peut-être des moyens de diffusion, des moyens d'affichage, des moyens de secrétariat, des choses comme ça. Mais l'activité de troisième phase, c'est quoi? Outre de monter des répertoires qu'on peut voir à peu près une fois par trimestre dans certains lieux à Toulouse. Là, on va en voir plein parce que c'est les 5 ans de troisième phase. Mais c'est vrai que vous nous avez donné l'habitude de voir régulièrement des créations de troisième face, soit à l'Astronef, soit au Taquin. C'est à peu près les lieux qui d'habitude vous diffusent. L'impro. Et l'impro. Ouais. Les autres activités de troisième face sont lesquelles? Et d'abord, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y en a d'autres. Donc, elles sont plus techniques en règle générale. C'est-à-dire qu'on développe des plateformes pour qu'il y ait des échanges facilités. Donc, par exemple, on a monté une commission booking, il y a beaucoup de gens qui participent à la commission booking et qui essayent en premier lieu de faire du booking pour le collectif. En fait, on essaye toujours d'agencer les choses dans un certain ordre. Et évidemment que le booking du collectif profite à tous les membres du collectif. C'est évident qu'on rencontre des gens, on va jouer quelque part, ça ouvre des opportunités, etc. etc. Bon, le booking pour les gens qui ne sont pas du milieu, c'est le démarchage commercial pour vendre les spectacles de musique. Donc on se plante devant un téléphone, on téléphone à des organisateurs de concerts, à des directeurs de salles, à des directeurs de bars, et on présente vite fait le groupe ou le collectif en disant « Est-ce que vous avez de la place pour moi dans un mois, dans deux mois ?» pour l'année prochaine. C'est ça le booking. Après, on développe des ateliers aussi, on a des actions pédagogiques. Donc là, on a fait un atelier par exemple sur la compo, on fait des ateliers en interne pour les membres du collectif et aussi des ateliers en externe. On avait fait les causeries avec les pianophiles où on invite du coup du public. On essaye aussi d'organiser des masterclass. Il y a quelques années, on a fait venir Rui López-Nussa avant qu'il emménage ici. Entre parenthèses, il joue ce soir à l'impro. Tout à fait, petite pub. Oui, donc l'impro avec laquelle on travaille beaucoup aussi. Et en fait, une des premières missions de ce collectif, c'est de créer une entité avec laquelle on peut commencer à négocier avec différents partis. Parce qu'encore une fois, en tant que groupe ou projet, on est à une certaine échelle du système. Et on ne peut pas toujours designer les projets comme on aurait envie, ne serait-ce que d'un point de vue structurel. Déjà, il faut avoir une société de production, il faut avoir une chargée de production, il faut avoir des gens qui sont capables de gérer toutes ces choses. Et aussi, il faut être capable de répondre en termes d'artistique à toutes les propositions, surtout quand... Voilà. Et donc on essaie de développer avec différents types d'interlocuteurs, notamment par exemple le Taquin, Loris, avec qui on discute beaucoup. On fait plus que programmer chez lui en fait, c'est-à-dire qu'on fait de l'ingénierie de projet en commun. Mmh. Là typiquement pour l'anniversaire, il nous aide, enfin on s'aide mutuellement à faire en sorte que ça soit une belle aventure quoi. Donc, on va peut-être passer sur la deuxième partie de cet entretien. La fête des 5 ans, vous dites qu'il va y avoir un concert au Taquin, on va en parler. Hier, c'était à l'Astronef que ça se passait. J'allais dire l'Astronef qui est un peu la base de Troisième Face. Je veux dire, quand les musiciens ont besoin d'aller prendre un coup, c'est d'abord là-bas qu'ils vont. Alors c'est vrai que c'est là-bas qu'on fait toutes nos réunions. Là typiquement c'est l'Astronef qui nous accueille pour nous permettre de discuter et c'est pas les premiers avec qui on a travaillé sur la musique, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Mais ça se développe de plus en plus. Après voilà, l'Astronef c'est un lieu un peu particulier qui a pas mal de problématiques à gérer aussi en interne et qui a pas beaucoup de fenêtres de programmation, c'est 2 concerts par mois. Donc voilà, et l'Astronef ça... Encore une fois, ça a pour ambition d'être ouvert à vraiment tout le monde, donc il y a énormément de registres de programmation qui sont abordés. Et nous, on intervient, voilà, là, typiquement, on a commencé l'anniversaire de Troisième Face à l'Astronef. Pour l'anniversaire de l'Astronef, on a fêté nos 5 ans conjointement, puisque le bar aussi a 5 ans, voilà. Et du coup, on a revisité le concept de bal populaire, donc avec toujours pareil, 15 membres du collectif qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. On a demandé en fait aux gens de l'Astronef qu'est-ce qu'ils veulent entendre pour leur anniversaire. Ils nous ont fait une liste de 80 morceaux, on a fait un peu le tri, et on leur a joué ce qu'ils voulaient, avec toujours la petite patte de Troisième Face, de modifier un peu ça, changer un peu ça, bon là on passe en 7, voilà ce genre de petites choses qu'on aime bien. Et je dois dire que c'était absolument super, on s'est régalé. Et le deuxième volet de l'anniversaire, c'était hier, comme tu l'as dit, un hommage à Nougaro. Deux mots, on ne pourra pas l'écouter, quoique vous me disiez hors antenne que c'était peut-être un répertoire que vous alliez bientôt à enregistrer. Ouais. Mais deux mots sur la façon dont vous avez conçu ce répertoire au Nougaro, qui est quand même assez symptomatique de la façon dont vous envisagez les choses. C'est vrai que c'est bien représentatif de comment on aime bien transformer à chaque fois. Donc en fait, ça nous a été commandé par Cécile, donc la fille de Claude. Lorsqu'elle a ouvert la péniche Nougaro en centre-ville. Et donc, quand elle nous a proposé de faire un hommage à son père, on a tout de suite dit d'accord, mais on va faire un truc un peu... on va pas prendre un chanteur et chanter les chansons de Nougaro, parce que voilà, on a envie de faire toujours un peu différemment. Et donc, Nougaro, il faut savoir qu'il a beaucoup emprunté aux standards de jazz, et il a écrit des paroles dessus, et nous on adore ça. Mais il a aussi eu, par exemple, Maurice Vander, qui a composé beaucoup pour lui. À l'époque, c'était Bernard Lubat à la batterie. Donc voilà, il y a quand même une énorme proposition d'écriture. Je sais que Nougaro, il n'écrivait rien du tout. Hein. Ce n'était pas du tout son dada. Enfin, quand vous dites rien, en termes de musique. En termes de musique, ouais, en termes de musique, c'est vrai. Évidemment, tous les textes, voilà. Et donc, nous, en fait, on s'est amusé à faire l'inverse. Donc on a repris toutes les musiques qui ont été écrites pour sa chanson. Et on les a transformées en standards de jazz des années 60. Et on a repris, du coup, revisité voilà, tout ce programme. Façon hard bop, on s'est fixé ça, un petit pied de nez voilà, à l'artiste et je crois que ça a beaucoup plu. Et c'est vrai que ces retournements de situation sont fréquentes chez vous. On va avoir pendant cet anniversaire quelque chose qui va tourner autour du reggae. Ouais. Moi, il me tarde de voir un peu comment vous allez trafiquer un peu la chose. Donc, il y aura Pierre de Bettman que vous avez invité pour un autre moment. Frédérica Alesina, avec qui vous avez aussi travaillé pour cet anniversaire-là. Ouais. Vous nous dites un peu 3-4 mots sur tous ces projets. Excusez-moi, je ne dirai plus projet, sinon je me ferai taper sur les doigts. Sur toutes ces propositions de répertoire différents que vous allez nous jouer pendant ouais. ce mois d'avril de fête d'anniversaire de Troisième Face. Alors, l'Astronef, on a fait 2 dates en mars et en avril, on va travailler une fois à l'impro avec Tanguy, avec qui on travaille depuis très longtemps et qu'on adore, où on lui propose du coup une créa autour du reggae qu'on a déjà fait à la Maison Malpère, qui est un lieu, un lieu éphémère qui est ouvert cet été. Et quand on est allé là-bas, on s'est dit, voilà, on a une créa à faire là-bas, ça serait vraiment bien le reggae parce que c'est populaire, parce que les publics qui viennent là, ça leur ferait plaisir, parce que c'était au soleil, parce que voilà, tout ça. Et en fait, ça a tellement bien marché, c'était tellement chouette, que voilà, on s'est dit qu'on allait le reproposer. Alors après, ce qui est marrant, c'est que là, du coup, c'est une autre équipe, et du coup, c'est une autre vision. Là, c'est carrément le collectif propose 2 visions différentes. Le premier concert est enregistré et sera mixé un peu plus tard. Et donc le deuxième est assez différent et voilà, ça promet d'être très fun. C'est avec, peut-être je ne cite pas tous les noms parce que sinon... Non mais certains, qu'on comprenne aussi qu'ils font partie de ce collectif. Alors là c'est avec Romain Samponce, Kevin Lazakis, Cyril Bernard, Mélanie Buzot. Voilà. Ouais. Et des gens que l'on peut voir dans d'autres formations. Je sais que Troisième Face, c'est aussi les musiciens, certains musiciens de Ball, certains musiciens de Walter Sextang, certains musiciens de Host. La liste est très longue. Voilà, c'est toute cette génération de musiciens formés peut-être à l'école du jazz, mais qui ont des influences de partout, que ce soit du jazz classique ou du métal. Du flamenco. Ou du flamenco, voilà. puisque je crois que Maël Goldwasser fait aussi partie de Troisième Face. C'est vrai que c'est un éventail assez large. On est 80, je crois, aujourd'hui. Mm. Donc ouais, sur 80 propositions, c'est sûr que ça fait du monde qui a chacun son petit univers. Et ça, c'est, pour nous, c'est une force, en fait. Ouais. C'est évident, parce que du coup, sur les propositions qu'on peut nous faire, on a plein de choses, nous, sur lesquelles on peut travailler, agencer. C'est toujours nouveau, c'est toujours frais. Et voilà. Donc là, on vient de parler de la soirée reggae qui aura lieu le 7 avril. À l'impro. À l'impro, tout à fait. Les autres? Et alors, Loris nous a fait un cadeau formidable quand on lui a parlé de l'anniversaire. Il nous a gentiment laissé une semaine complète au taquin. Donc on va faire jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on commence le jeudi avec une soirée vraiment dédiée à l'anniversaire où, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est un programme de composition spontanée qui va être proposé. Donc il y a beaucoup de compositions qui s'échangent à l'heure actuelle au sein du collectif. Et voilà, on va les découvrir un peu sur scène ensemble et essayer surtout de s'amuser et de célébrer ces 5 ans de travail acharné et le fait qu'on soit encore là, effectivement, toujours présent. Le lendemain, du coup, on fait une créa avec Frédérica Alésina, dont tu as parlé tout à l'heure et qui est une habituée, je crois, de cette émission, qu'on adore nous aussi. Et il faut savoir que quand on fait des créas comme ça, à chaque fois, c'est des membres du collectif qui jouent avec les invités. Donc là, c'est pas le groupe de Frédérica, ce sera des membres du collectif qui vont répéter pour l'occasion. Et donc forcément, à chaque fois, ça fait des versions un peu différentes, un peu sympathiques. Et je crois d'ailleurs qu'on va vous passer un inédit parce que Frédérica sort un nouveau projet et je crois même qu'à cette soirée, nous aurons la chance d'avoir un inédit en solo de Frédérica sur son nouveau projet. Mmh. Donc voilà, il faut venir. Et le lendemain, sur la base du même concept, on a fait venir Pierre de Bettman, qui est un pianiste parisien qu'on adore et qui est un super pédagogue et doublé d'un excellent musicien. Et on va jouer ses compos, là encore, avec des membres du collectif. Et il a été ultra gentil, et donc il vient répéter avec nous et prendre soin de tout le monde. Donc on lui a collé plein de pianistes dans les pattes pour que tout le monde puisse se régaler aussi. Et voilà. Et le dimanche, pour faire simple, c'est une journée intercollectif. Donc on a invité le collectif Coa de Montpellier et le collectif Déluge de Paris. Paris-Bordeaux, ouais, ils sont un peu sur les deux villes, à donc venir faire de la musique avec nous. Donc chaque collectif envoie 2-3 personnes et nous aussi. Et donc il y a une petite formation qui se monte pour l'occasion. Alors j'ai aucune idée de ce qu'ils vont jouer. Je sais pas, mais je sais que ça échange parce que je sais que Déluge, ils ont déjà un répertoire qui est propre au collectif. Nous, du coup, on a ce répertoire aussi qui est en cours de création. Je ne sais pas encore ce qu'il va jouer, c'est la grande surprise totale. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir échanger sur les notions de collectif, sur comment structurellement, eux, ça marche. Et puis, vu que le collectif, à la base, est créé pour ça, je pense qu'on va échanger plus aussi artistiquement plus tard, quoi. Voilà, donc c'est les fêtes de Troisième Face, ces fêtes qui ont commencé au mois de mars. Hier, ils étaient à l'Astronef, le 7, c'est-à-dire, samedi prochain. Ils seront à l'impro avec une créa autour du reggae. Le 7 avril, c'est vendredi ou samedi? Vendredi. C'est vendredi. Hein. À l'impro, c'est tout le temps vendredi. C'est toujours le vendredi. Hein. C'est pour ça que quand je disais samedi, ça m'a fait tic. Donc le vendredi prochain, ça sera à l'impro avec une créa reggae. Et puis il y aura donc les 13, 14, 15 et 16 avril au Taquin. Donc le 13, soirée d'anniversaire. Le 14, une carte blanche à Frédérica Alésina, donc qui jouera sa musique accompagnée par des membres du collectif Troisième Face. Le 15, la même chose, mais avec Pierre de Bettman au piano. Et puis le 16, rencontre intercollectif avec un collectif de Paris, un collectif de Montpellier et Troisième Face de Toulouse, et on verra bien qu'est-ce que ça donne. On va peut-être vous souhaiter bon vent, après tout. En comprenant que le collectif, c'est autant un moyen de mutualiser des moyens nécessaires pour la vie de tout musicien qui se respecte, mais aussi un lieu d'échange, de construction qui permet aux musiciens de ne pas rester isolés. Tout à fait. Voilà. Exactement. Bon anniversaire, Troisième Face, et on va écouter ce cadeau-là que vous nous avez amené, un morceau inédit de Frédérica Alésina, qu'elle nous jouera sans doute au Taquin dans 15 jours. Toujours est-il qu'il est là, ce morceau, et je peux vous dire que je me le suis déjà mis de côté et qu'on n'est pas prêt de ne pas l'écouter dans cette émission. Donc ça veut dire qu'on va l'écouter très très souvent et en premier tout de suite. Frédérica Alésina. Zina, William Guillard, merci d'être passé merci à toi. Dans cette émission pour nous parler de ce collectif Troisième Face, Frédérica Alésina. L'amour, ça fait perdre du temps. L'amour, ça fait perdre la face. L'amour et moi, ça fait deux ans. Trois qui la tiennent, dix qui s'enlacent. Quand vient mon démon de midi, à 14h, un autre suit. De 5 à 7, encore à 4h. L'amour, ça fait trop peur. Qui a l'amour, ça fait perdre des fesses. Au moins, ça sert à quelque chose. Chaque désert où l'on me laisse, ma graisse fond à l'eau de rose. Je suis le dessert asservi, la cerise de leur chérie. Le bonbon qui monte à la tête quand l'amour part en sucette. Oh, oh, oh, oh, oh, l'amour se fait perdre le nord. Moi les vents je les prends d'où qu'ils viennent. Y'a pas une âme en chaque port. Moi y'a que les ports qui me détiennent. Oh mes amours sans interdit, qui tournent en rond-point c'est fini. Quand rêve caméléon on met les voiles. L'amour c'est pas normal. Oh, l'amour ça fait perdre le nord. Moi les vents je les prends d'où qu'ils viennent. Ma boussole a le mauvais sort. Tout vole en bas qu'il advienne. Oh mon amour sans interdit, qui tourne en rond-point c'est fini. Quand rêve caméléon on met les voiles. L'amour c'est pas normal. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout de t'enfler avec ce chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Bouh. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Comme vous le dites, hors micro, on va changer d'univers. Après l'univers délicieusement ludique de Frédérica Alesina, on va vérifier que le bruit peut faire aussi de la musique, que la musique peut faire aussi beaucoup de bruit. Le ludique, je crois que c'est pas, ça peut s'adapter. Ça peut être aussi ludique. Ça peut être ludique aussi. Ouais, c'est donc, vrai. Voilà, donc... C'est donc, vrai voilà, que faisons Christine... Ce, faisons cette transition, donc, nous parlons du prochain concert du pavé, qui sera organisé en collaboration avec le GMEA d'Albi et le Théâtre Garonne, et ça se déroulera donc le 6 avril... Au Théâtre Garonne. Au Théâtre Garonne, le 6 avril, après la manif, donc vous voilà. Pouvez rester dans le coin, ça, vous revenez sur... Ouais, on retraverse le pont des Catalans. Voilà, c'est ça, on revient, et voilà, donc le 6 avril. Donc... On va parler d'un projet, le moins qu'on puisse dire, ce qui est original. Alors, original, le mot est peut-être un peu faible. On va dire un projet, on va dire extrême. Voilà. C'est quand même un projet hors du commun. Alors déjà, le concept est assez peu classique, puisque ce sont six pianos droits sur la scène, six pianos droits accordés différemment. Mmh. Donc, évidemment. Déjà, on passe le cadre, d'une certaine manière, pour, oui, pour ça, le jeu de mots. Bon, ça, j'allais vous dire qu'on a déjà vu ça avec des guitares. Hein. Quatre guitares accordées différemment pour faire de la musique, on oui, l'a déjà entendu. Voilà, mais pas avec des pianos. Mais pas avec des pianos. Pas avec des pianos. Mais je suppose donc, que c'est au-delà de ça, donc, alors, c'est le côté particulier de ce, voilà, c'est répertoire. C'est l'utilisation, évidemment, parce que six pianos, pourquoi six pianos? C'est six pianos qui jouent en même temps. Et, ben voilà. Et donc, ce sont six pianistes qui sont quand même plutôt rodés à l'exercice de la musique improvisée. On retrouve parmi des gens, des filles comme Sophie Agnel ou Barbara Dang, qu'on connaît qui sont bien connues dans ce monde-là. Betty Ovett, c'est la Toulousaine de service dans cette équipe-là. Il aurait pu y avoir Christine Wodraska, ben oui, je dirais, c'est tout à fait dans ses cordes, mais c'est un jeu de mots. Mais dans ses cordes de piano, pas, bien entendu. Voilà, elle n'est pas partie. Mais enfin, bon, peu importe pourquoi je la cite, je n'en sais rien. En tout parce cas, voilà, donc bien, nous allons. Ah ben oui, moi je l'imaginais parfaitement dans le cadre de cette formation. Enfin voilà, il n'y avait que six pianistes possibles. Donc, alors après, parler de cette musique, hein, voilà, c'est là qu'on s'est dit, voilà, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile de décrire cet univers qui est quand même un peu particulier. Alors moi, il y a deux phrases que les musiciens défendent à travers ce projet qui font un peu peur, mais qui en même temps résument un petit peu la situation. Il y en a, c'est piano bien bruité, et l'autre, c'est vacarme harmonique. Donc, avec ça, déjà, on commence à se situer un petit peu. Alors, harmonique, c'est vrai qu'il y a quand même un cadre harmonique dans ce concert-là. Après, on part. C'est un concert où il y a une variation, évidemment. Il y a des moments très, très, très posés, mais après, il y a des moments où il y a des espèces d'explosions où tous les pianos se mettent à jouer, mais avec une densité. C'est vrai que ça fait une espèce de bourdon, et on monte sur quelque chose qui est noise, pratiquement. Alors, noise, dans le sens noise, c'est-à-dire bruitiste et puissant. C'est-à-dire, le son, on est un peu collé sur le siège. Donc ça, vous l'aurez compris. L'auditeur, là, ce jour-là, il ne va pas venir chercher une émotion sur de la mélodie. Là, on va être loin de tout ça. Ça va être quelque chose ça de... Ça va pas être du piano tempéré. Ça va pas être tempéré. Donc, c'est vraiment une histoire de sensations. Je veux dire, c'est plutôt organique. Vous voyez. Ouais. On peut sentir des espèces de sensations comme ça. Et je dirais, je pourrais comparer à ce qu'on pouvait vivre dans les concerts de Magma à la fin de Mécanique Commando. On était dans une espèce d'orgasme comme ça. Une espèce de... le son qui vous envahit, qui vous rentre de partout. La puissance qui vous fait crier de joie à la fin du morceau. Voilà, je crois que c'est un petit peu, je sais pas, je veux pas faire peur aux gens. Je crois que, en tout cas, c'est fait. Mais non, moi, ce que je veux dire, c'est une expérience à vivre, en fait. C'est une expérience. Il faut se mettre de côté. On va pas voir un concert. On va voir quelque chose. C'est des sensations à vivre très fortes. Voilà, je dis ça. On va être honnête, je veux dire, on va pas raconter aux gens, vous allez en concert de piano. Voilà. Ça va être quelque chose quand même d'assez puissant et quelque chose de spectacle qu'on ne vit pas tous les jours. Chose de spectaculaire, oui. Ah oui, c'est spectaculaire, oui. C'est vrai que c'est difficile d'en parler, mais je... On va peut-être en écouter un peu. Peut-être c'est ça qui est bien. On va écouter pour se donner une idée. Voilà, donc c'est... Mais six pianos en même temps, on a rarement écouté ça, quoi. Ce spectacle, ce répertoire s'appelle Piano Noise. Ouais. Et on aura bien compris que dans le titre de cette formule, le mot le plus important, c'est noise. Y a des pianos pour le faire, mais c'est surtout le bruit et la puissance dégagée par ces instruments. On en écoute 3 minutes de Piano Noise, donc à voir au Théâtre Garonne jeudi prochain, le 6 avril. croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, donc on vient d'écouter un extrait de ce que vous pourrez entendre au Théâtre Garonne jeudi prochain, 6 avril, avec ce spectacle Piano Noise présenté par Un Pavé dans le Jazz, le Théâtre Garonne et le GMEA d'Albi. Voilà, on en arrive maintenant à la série des concerts, rubrique concerts de Caramel Mou, les concerts de la soirée, chronique montée, avec la complicité du Distorama, l'agenda des bas-fonds toulousains, agenda concert mensuel, à retrouver sous version papier dans pas mal de bars en ville. Le mien, par exemple, je l'ai trouvé au Ravelin, si je me souviens bien, mais aussi sur Facebook, page Distorama. Le prochain doit sortir aujourd'hui, puisque c'est à partir du 1er avril, et le 1er avril, c'est demain. Donc, Distorama et Caramel Mou ont chopé un certain nombre de concerts à vous proposer ce soir. Et par exemple, ça commence au Caméléon ce soir, 19 rue du Pont Saint-Pierre, avec à partir de 19h30 un concert largement dédié aux musiques improvisées. On y revient avec le duo Bardac, soit Mathias Pontavier à la batterie horizontale et Pavel Viry à la guitare électrique. Et comme le dit Eddie Boubaker, que j'ai eu ce matin au téléphone, déglingue totale. Vous voilà prévenu, un concert organisé par l'association Troisième Loutre. Deux, trois mots sur ce concert, Jean-Pierre. Là, je pense que ça, c'est quelque chose pour vous. Ben, j'y serai. Serai déjà. Donc, puis après, Mathias Pontevia, c'est un batteur extraordinaire, franchement. C'est un spectacle à lui tout seul, ouais. Franchement, je ne connais pas l'autre musicien, mais je suis impatient de découvrir. Voilà, donc ça, c'est ce soir au Caméléon, Bardac, Mathias Pontevia à la batterie, et puis Pavel Viry à la guitare électrique. À l'impro ce soir à 20h30, version 4, un quartet dédié aux musiques cubaines avec Louis Navarro à la contrebasse, Nicolas Algans à la trompette, membre du collectif Troisième Face, soit dit en passant, Thibaut Dufoy au piano, et puis l'immense batteur cubain Rui López Nussa, à ne surtout pas rater ce soir à l'impro, version 4. Du reggae dancehall ce soir aux Ogresses à 20h30 avec Poupa Alex, au Ravelin, les Toulousaines de Croy, un groupe de pop, suivi du Marseillais Jules Giaco et son solo électro pop punk à partir de 20h. Au Taquin à 21h, Go to the Dogs, un quintet du Mans, plaçant leur musique sous la Sainte Trinité formée de Ornette Coleman, John Zorn et Marc Ribot. On a connu pire comme figure tutélaire. Go to the Dog au Taquin, donc à 21h. Chanson aux bijoux à 21h30 avec les chansons du duo Monique Brun, voix, et Michel Bernard, voix accordéon. Au Beers House, The Six Pack, un groupe toulousain de Soul and Funk à partir de 21h. Les frères Caravanoff joueront leur jazz manouche ce soir à 20h30 à la Candela. Du rock ce soir à l'usine à musique avec Ed Chargeur, un groupe normand de rock stoner qui arpente les scènes hexagonales depuis un peu plus de 15 ans. En première partie, le rock toulousain sera également présent dans cette soirée rock à l'usine à musique avec New Titi à partir de 20h30, dont ce concert à l'usine à musique. Au métronome ce soir, Arrow Rhythm, une formation de 35 batteries pour deux pièces instrumentales. La première évoquera les musiques africaines et le funk. La deuxième mettra un accent plus particulier sur le hip-hop et le rock. Concert à partir de 21h à Go Rhythm, au métronome, dans le cadre du Drum Summit. Bal mexicain, allez, on va aller guincher ce soir. Bal mexicain à Maison Blanche avec le groupe toulousain Jaramers à partir de 20h30. Demain soir au Rex, fin des nuits du slam avec un concert du rappeur, du hip-hopper Rossé. Première partie, Mamel Bent. Concert au Rex à partir de 20h et après les nuits du slam reviendront l'année prochaine. Et puis, dernière proposition pour ce soir, à 20h au au Labo des Arts, on pourra écouter nos invités de la semaine dernière, l'électropop de Loa Frida. Donc à partir de 20h au Labo des Arts, Loa Frida qu'on écoute tout de suite avec ce morceau Loa. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Allez, voilà, Caramel Mousse, c'est quasi fini pour aujourd'hui. Deux petites infos avant de se quitter. D'abord, on parlait tout à l'heure d'Eddie Boubacar, a signalé que le groupe d'Eddie Boubacar, Esh, est sur le point de sortir un 45 tours vinyle. Ça sort d'ici 15 jours, 3 semaines. On vous en parlera lorsque cet objet fera son apparition dans les bacs à disques toulousains. Donc, Esh sur le point de sortir un 45 tours. Et puis, Inouï, le groupe Valeria Vitrano et puis de Clémence Lagier avec Dimitri Kougan à la batterie et Maya Cross au clavier. Et bien ce quartet toulousain a été désigné lauréat du concours annuel de Jazz Migration et donc va se voir proposer un certain nombre de stages de formation à Paris, mais surtout va se voir offrir la possibilité de jouer dans une vingtaine ou une trentaine de dates en France. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Inouï, qu'on a vu il y a une quinzaine de jours au Taquin. Le concert était absolument formidable. Voilà, les Caramels Mous, ça se termine. On se retrouve, nous, demain soir sur Campus FM à 22h pour la liste de Pierre Paulet. Émission réécoutable ensuite sur le site archive.org, comme d'ailleurs tous les Caramels Mous sont réécoutables sur archive.org. Dans un instant, John Little reprend le contrôle des platines avec un nouveau incredible et génial Little by Little Wicked Show. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même adresse. Et la semaine prochaine, nous serons en compagnie du trompettiste Nicolas Gardel. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte avec Duno. Duno, un morceau du groupe toulousain Addis Black Mambo qui jouera demain soir au Taquin à 21h son étude jazz plutôt torride et débridée. Salut les filles. Thank you. Caramel.